Lost, une histoire écrite par Dust Bunny 3, traduite par Anonyme et lue par J0305. Résumé. Ginny et Luna font une virée le temps d'une journée. Ginny avait l'impression que toute la frustration qu'elle ressentait était coincée entre ses dents. Quand elle se passait la langue dessus, elle pouvait sentir le goût de la honte. Ses doigts se resserrèrent autour de ceux de Luna et elle dit « Je suis désolée, je t'avais promis une journée agréable. »« Je passe une journée agréable, » répondit Luna, clignant des yeux lentement. Rayonnante d'honnêteté, elle ajouta « C'est un peu comme une aventure, non ?» Ginny retint un rire, mais Luna ne fit que sourire, serrant la main de la rousse dans les siennes, alors qu'elles étaient en plein milieu d'une rue moldue bondée, puis tira dessus, l'obligeant à la suivre sans destination précise. Secouant la tête, Ginny rit et la laissa faire. Elles étaient déjà perdues. Tant qu'à faire, elles pouvaient toujours apprécier le temps passé en sa compagnie. Fin. Merci d'avoir écouté.